Le 28 août, le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a publié une déclaration qui indique « Les États-Unis et leurs suivistes ont publié au Conseil de sécurité de l'ONU un communiqué qui met en cause la mesure de renforcement de la dissuasion nucléaire autodéfensive, y compris le lancement d'essais de l'engin balistique en plongée d'un sous-marin stratégique. C'est une nouvelle grave hostilité. » Les États-Unis ont poussé le Conseil de sécurité à la publication, et cela est une provocation insensée qui viole grossièrement la souveraineté et la dignité de notre République et qui porte atteinte à la paix et la stabilité de la péninsule coréenne. Le Conseil de sécurité tourne le dos à notre proposition de mettre en cause les exercices militaires américano-sud-coréens de nature agressive qui créent le danger grave à la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région, et accuse seulement le renforcement de notre dissuasion autodéfensive instigée par les États-Unis. Voilà une conduite illégale qui ne correspond pas à l'équité d'une institution internationale et qui prend parti pour les États-Unis dans le duel ardu coréen-américain. Les États-Unis et leurs suivistes prétendent que nos mesures de riposte contreviennent à la résolution du Conseil de sécurité, mais même le secrétariat de l'ONU ne répond pas si la résolution est un document conforme à la charte de l'ONU. Face à l'hostilité inouïe et à la menace nucléaire des États-Unis, nous disposons de tout moyen réel de réduire en cendres d'un seul coup, s'il arrive une occasion, les forces armées d'agression du territoire américain et de la zone d'opération du Pacifique. Déjà, nous avons averti les États-Unis qu'une témérité telle que la mise en cause du lancement d'essais de l'engin balistique en plongée de sous-marins stratégiques ne fera qu'accélérer la ruine et que le meilleur moyen d'éviter les frappes foudroyantes de nous est de ne pas préjudicer à notre dignité et à notre sécurité et de se réserver. Du fait que les États-Unis ont méprisé notre avertissement sérieux et menacé la dignité et le droit à l'existence de notre République, nous montrerons puissance militaire authentique par étapes toutes les mesures d'action événementale.